Je vois. Enfin, vous en aviez assez. Vous n'aimiez pas les études. Mais non, ce n'est pas ça du tout, non. Et je trouve qu'on nous enseigne trop de choses inutiles. Je trouve que l'enseignement est beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop dirigiste. Je trouve que l'enseignement n'est pas adapté à la vie moderne. Merci, c'est tout. Mais dites-moi, est-ce que vous étiez bon élève? Ah oui, pas mauvais du tout, très bon. J'ai toujours été un bon élève. J'ai toujours eu de bonnes notes, j'ai toujours réussi à tous mes examens. Je n'ai jamais raté aucun examen, jamais. Je suis ce qu'on appelle doué. Mes profs disaient même que j'étais surdoué. J'ai appris à lire presque tout seul. Sans blague. Et à écrire aussi? Vous avez appris à écrire tout seul? Oui. Et j'ai toujours été un des meilleurs élèves de ma classe. Et vous avez eu aussi le prix de modestie? Voilà encore que vous vous moquez de moi. Moi? Pas du tout. Jamais de la vie. Non, je comprends très bien. Vous dites les choses comme elles sont, tout simplement. On nous enseigne trop de choses inutiles. Est-ce qu'il trouve que ce qu'on enseigne est utile? Non, il trouve qu'on enseigne trop de choses inutiles. Je trouve que l'enseignement est beaucoup trop autoritaire. L'enseignement est beaucoup trop autoritaire. Est-ce qu'il pense que l'enseignement est assez libéral? Non, il pense que l'enseignement est trop autoritaire. Je trouve que l'enseignement n'est pas adapté à la vie moderne. L'enseignement n'est pas adapté. L'enseignement n'est pas adapté. Trouve-t-il cet enseignement bien adapté? Non, il le trouve mal adapté. J'ai toujours été un bon élève. J'ai toujours eu de bonnes notes. Toujours eu de bonnes notes. Qu'est-ce qui prouve que Robert était bon élève? Il a toujours eu de bonnes notes. J'ai toujours réussi à tous mes examens. J'ai toujours réussi. J'ai toujours réussi à tous mes examens, à tous mes examens. J'ai toujours réussi à tous mes examens. Je n'ai jamais raté aucun examen, aucun examen. Je n'ai jamais raté aucun examen. Est-ce qu'il a quelquefois raté des examens? Non, il n'a jamais raté aucun examen. J'ai appris à lire. Presque tout seul. Est-ce qu'il a eu des difficultés à apprendre à lire? Il a appris à lire presque tout seul. Et vous avez eu aussi le prix de modestie? Et vous avez eu aussi le prix de modestie? Comment Mireille se moque-t-elle de lui? Elle lui demande s'il a eu aussi le prix de modestie.